branche sous une vie. Quelques bulles d'oxygène qui s'évadent de ma bouche et de mon nez, qui remontent à la surface de l'eau, qui se cramponnent, se collent entre elles, se détachent, qui éclatent, et puis plus rien. À faire des bulles.